Alors que nous abordons ensemble, chers auditeurs, l'étude de la lettre adressée par l'apôtre Jean à l'église d'Éphèse, j'aimerais proposer que nous lisions ensemble le premier verset du chapitre 2 de l'Apocalypse. Je rappelle que les lettres aux sept églises d'Asie résument en quelque sorte l'histoire du christianisme à travers les siècles. Nous lisons donc Apocalypse 2, verset 1. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. L'Apocalypse est un livre difficile à comprendre, mais il s'illumine à la clarté des citations de l'Ancien Testament dont il est rempli. En effet, dans ce dernier livre de la Bible, cinq versets sur sept contiennent des allusions directes à l'Ancien Testament. Ici, le Seigneur se présente comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est une image que les Israélites attachés au culte du tabernacle pouvaient fort bien comprendre. Le sacrificateur était appelé à veiller sur les flammes du chandelier afin qu'elles brûlent toujours du même éclat. Au besoin, il devait en moucher les chandelles afin que ses lumières ne vacillent pas. Or, le Seigneur Jésus se présente à l'église d'Éphèse comme son souverain sacrificateur. Il voit ce qui ternit sa lumière et il cherche à y porter remède. Il aimerait que le chandelier de son témoignage brille avec éclat. N'avait-il pas dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde. On met la lampe sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu 5, 14 à 16. Lorsque l'apôtre Paul avait prêché la parole divine à Éphèse, le chandelier du témoignage de cette église avait brillé dans toute la région. Mais, après une ou deux générations, la situation n'était plus la même. Aussi le Seigneur a-t-il dû appeler cette église à se repentir, en ajoutant même ce solennel avertissement. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, 5. Pour bien comprendre comment cela peut se produire, détaillons un peu le message adressé à cette église et lisons les versets 2 à 4 de ce chapitre 2 de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tout semblait donc positif au départ. Le Seigneur reconnaît le discernement spirituel des dirigeants de l'Église qui avaient décelé la tromperie des faux apôtres. Il rend témoignage à leur persévérance dans la saine doctrine et à leur souffrance pour le nom de Christ. Mais, à travers les luttes et les combats, l'usure s'était manifestée et, peu à peu, l'amour pour le Seigneur s'était refroidi. Or, l'amour pour le Seigneur devrait toujours être le mobile de notre service. Quand l'amour n'est plus dans la vie d'une communauté ou dans le cœur d'un chrétien, le témoignage est terni, le Saint-Esprit est affligé et les âmes perdues ne sont pas arrachées au péché et au monde. Relisons la première phrase de ce verset 2 dans la lettre à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Cette constatation du Seigneur me fait penser à une autre parole, celle que l'apôtre Paul écrivait 40 ans plus tôt à une autre église des rives de la mer Égée, l'église de Thessalonique. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 à 3. À Thessalonique, l'apôtre Paul a remarqué chez les chrétiens l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance. Mais à Éphèse, en cette fin du premier siècle, il n'y avait plus que les œuvres, le travail et la persévérance. Ce n'étaient plus les œuvres de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Les œuvres peuvent subsister, même lorsque l'esprit de foi qui avait engendré ces œuvres s'est évanoui. Que de mouvements évangéliques ou d'églises ont été bénis à l'origine parce que, dans leur faiblesse humaine ou matérielle, ils étaient obligés de dépendre de Dieu. Mais dès que les moyens financiers ou techniques leur furent largement prodigués, ces mêmes églises se sont relâchées dans leur foi, et leurs comptes en banque, les dollars ou les ressources humaines ont suppléé à la prière ardente qui fait mouvoir le bras du Seigneur. Si dans le service que nous accomplissons, nous faisons toujours confiance à Dieu dans tous les domaines, il continuera d'ouvrir pour nous les écluses des cieux, selon l'expression qu'emploie le prophète Malachie, chapitre 3, verset 10, c'est-à-dire de nous accorder sa bénédiction. Et comme l'apôtre Paul le dit, Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Philippiens 4, 19. Alors, l'œuvre de notre foi continuera à réjouir le cœur du Seigneur. Le travail peut demeurer, voire augmenter, même lorsque l'amour, mobile de toute activité valable pour Dieu, n'inspire plus ce travail. Que notre travail pour le Seigneur ne soit donc pas entrepris dans l'élan de nos capacités propres ou dans un esprit de jugement à l'égard de nos compagnons d'œuvre, mais dans l'amour pour Dieu et pour nos frères, cet amour qui nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Enfin, que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1, 18. Ainsi, nous deviendrons persévérants dans notre service. Notre espérance en Christ doit pénétrer ce service. Sans elle, nous risquons de nous river sur des principes rigides au point d'oublier ce qui doit être au centre de ce service. Entêtement et persévérance sont des attitudes assez ressemblantes pour que nous les confondions. Elles sont pourtant bien différentes et même divergentes. Cessons donc de nous entêter dans un service accompli avec les seules ressources de la vie propre qui nous soustrait à l'expérience du renoncement à soi-même et à la communion avec Christ. Et persévérons sur la base des promesses de Dieu et de l'œuvre de Christ. Il y avait donc à Éphèse des œuvres, du travail et de la persévérance. Mais il y manquait l'essentiel, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres chrétiens, l'amour pour le monde perdu. Chers frères et sœurs en Christ, qu'en est-il de nous? Si nous devions rencontrer le Seigneur aujourd'hui, nous dirait-il « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ?» La poliomyélite peut terrasser un individu et le paralyser en moins de 24 heures. Mais la sclérose en plaques atteint un résultat analogue, parfois en 25 ans. C'est le lent durcissement du tissu conjonctif qui finit par toucher tous les organes. À Éphèse, l'abandon du premier amour avait été imperceptible au début. Véritable sclérose dont les effets désastreux et irréparables se sont manifestés avec le temps. Et que dire du christianisme en général, de l'ensemble des églises du XXe siècle, où si souvent le déploiement d'activités a remplacé l'amour pour Dieu? Nous verrons que dans cette église d'Éphèse, le Seigneur a suscité des vainqueurs, des hommes et des femmes qui ont écouté sa voix, qui ont retrouvé leur premier amour et qui ont pratiqué les œuvres que le Seigneur attendait d'eux. Mais je ne voudrais pas terminer cette courte étude sans m'adresser personnellement à vous, chers amis chrétiens, à l'écoute de l'émission Parole Certaine. Laissez-vous, laissons-nous en cet instant avertir par la parole divine et prenons pour nous les mots de la lettre à l'église d'Éphèse. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ne voulons-nous pas nous placer tout à nouveau devant le Seigneur, lui confesser nos écarts, nos actes d'infidélité, notre passivité, afin que l'amour de Dieu soit à nouveau répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, ranime en moi la flamme du premier amour, Seigneur, visite ton Église et ranime en elle le feu du premier amour. Seigneur, nous te confessons que nous avons oublié, que nous avons abandonné le premier amour. Redonne-le-nous, Seigneur, et exauce notre requête pour l'amour et la gloire de ton nom. Amen.